Une plage d'Islande, de sable et de cendre, un bel hippocampe se carre et se cambre sous le ciel de décembre, sur son lit de cendre. Un bel hippocampe inspire et soupire. Sept ans pour l'hippocampe, c'est bien long. C'est presque l'âge de raison. Autant dire celui de partir. Lui reviennent les chevauchées dans les forêts de Goémon, jungle marine entremêlée, et la pluie penche en cristal sur la mer au petit matin. Et les folles nuits d'amour qui brûlent se consument dans un cri, aux corps marins entremêlés. Vague après vague, jour après jour, la vie valait bien un détour. Varec, teinté de cendre, disposé en guirlande, magnifique estampe que la marée détrempe. Hippocampe sur une plage d'Islande, sur un lit de cendre, se cabre et se cambre. Une plage d'Islande, de sable et de cendre, un bel hippocampe se cabre et se cambre sous le ciel de décembre, sur son lit de cendre.